franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Margaret, restons à Paris, puisque c'est à Paris que nous partons. Chouette. Où à Paris ? Eh bien, dans le 16e arrondissement, qui est souvent perçu comme un ghetto de riches, alors que pas du tout. Cet arrondissement a beaucoup changé depuis les années 50. Alors déjà, ce n'est plus le plus cher de Paris. Et ensuite, contrairement aux idées reçues, on dénombre plus de 30% d'ouvriers et d'employés dans le seul quartier de l'avenue Foch. Alors, tu vois. Oui, mais c'est vrai que beaucoup d'amis ont déménagé. Mais pas vous, Jean-Noël ? Ah non, j'y suis né, j'y mourrai. Ça fait 4 générations que l'appartement est dans la famille. J'y suis, j'y reste. Alors, Jean-Noël, quel est votre souci ? Vous voulez dire anima sana ou corpore sano ? Exactement. Une petite parenthèse linguistique, car c'est mon dada, les mots. Ah bon, on va devenir amis. Donc, disent mens sana, un esprit sain, contre anima, une âme saine. Bah, chacun ses convictions, le répond. Mais bravo, j'aurais pas dit mieux. Comme si c'était une erreur due au hasard. Oui, alors moi, c'est pour le corporé que j'appelle. D'accord. On peut vous demander votre occupation, Jean-Noël ? Oui, tout à fait. Je n'ai rien à cacher. Je suis avocat d'affaires. Très bien. Alors, quel est le souci ? Eh bien, je présente une douleur très aiguë au niveau de la muqueuse anale. Et en position assise, qui est ma position majoritaire de travail, ça m'est extrêmement pénible. Et je passe sur les obligations naturelles que vous pouvez imaginer. Pourquoi ? Écoutez, docteur, nous avons tous deux suffisamment d'éducation pour épargner aux auditeurs des détails sordides. Oui, bien sûr. Non, je demandais pourquoi, à votre avis, vous souffrez de cette partie de votre anatomie. Eh bien, lors d'un voyage au Maroc, je suis rentré avec une tourista carabinée. Et la zone, du coup, a été tellement sollicitée que je me demandais... Oh non, je pense pas. Non. Ou alors, peut-être une thrombose hémorroïde, alors plutôt. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un MMS de la région ? Ah ben non, j'ai pas pris de photo, mais enfin si vous tapez Marrakech dans Google Images, il y a tout ce qu'il faut. Non, je parle de la région du corps qui vous pose souci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vous fais envoyer tout de suite mon numéro de portable par SMS. Vous êtes sur un mobile, là ? Oui. Voilà, très bien. Je vous fais envoyer mon numéro. Bah, je garde votre MMS. Voilà. Alors nous, on connaît très bien Marrakech et on y va souvent. On adore, vous aussi ? Oui. En fait, avec ma femme, on a pris l'habitude de partir une semaine chacun de son côté à la même période tous les ans. 21 ans de mariage. Il faut ça pour se retrouver comme au premier jour. Je pars à Guernesey avec une bande de copines. Et moi, je fais mon loup solitaire dans un petit hôtel tout simple à Marrakech. Je bouquine. Ah, attendez, j'ai votre numéro, docteur Beaulieu. Je vais... Attendez. Allez-y, hein. Oui. Normalement, prenez votre temps, que ce soit assez net. Voilà. Je ne suis pas encore photographe. J'espère que ça conviendra. Oui. Nous, on adore. Moi, j'adore Marrakech, les riades. On adore y aller pour Noël. Et le souk. Alors, Philippe, ça le rend fou. J'y passe des heures. J'ai des tissus, des jets là-bas. Ça ne vaut rien là-bas. Voilà, oui, non. En plus, moi, j'ai horreur de marchander. Mais ils aiment ça. C'est culturel. Puis, tu es bien content avec tes babouches, toi. Hein. Ils ne les quittent plus. Surtout depuis qu'elles sont plus la chèvre. Ah, voilà, Jean-Noël, je viens de recevoir votre MMS. Ouais. Alors, bon, c'est pas très joli, hein, tout ça, mon vieux, c'est... Ouais. Alors, en fait, ce sont ce qu'on appelle... Ce sont deux grosses fissures anales, hein, que vous avez. Ah, oui, voilà. Alors, ça peut être viral, il se peut que vous ayez contracté un virus. Vous croyez ? Ou alors peut-être que vous êtes tombé par inadvertance, d'une manière brutale, sur un objet contondant. Non, je m'en serais perçu. Pas forcément. Je ne vois pas. Pourtant... Ouais. Attendez... Il me semble me souvenir... Ouais, vous voyez, dites... Oui, lors de mon dernier voyage à Marrakech, il y a 3 mois, il m'est arrivé une aventure fort désagréable. Oui, ça me revient. Dans ce petit hôtel où je descends depuis des années, tout simple, aux abords de la Médina, mes habitudes, voilà. J'étais au lit, j'allais m'en m'endormir après avoir bouquiné, et on frappe à la porte. Je crie « Entrez !» très confiant. Un très jeune garçon entre, et là, contre toute attente, il arrache ma culotte, enfin, la culotte de ma femme que je portais. Oui, j'avais mal fait ma valise, j'avais plus de faire propre. Bref, je ne peux me défendre puisque je m'étais menotté au barreau du lit juste avant de m'endormir. Je ne peux même pas crier à cause du baillon de latex dont je m'étais entouré le visage pour ne pas être réveillé par la lumière du jour. Et là, ce jeune homme, sans scrupule, abuse de moi. Oh là là, mon pauvre ami. Oui, mais apparemment, il vous a fait très mal. Non, pas vraiment. Il était assez doux, curieusement. Mais ça a bien duré, bon, allez, à la louche, une heure et demie. Ah oui, oui, ceci pourrait expliquer cela. Et le plus fort, c'est que après m'avoir remis la culotte dans un geste de repentir, peut-être, il s'est emparé des 510 dirhams que j'avais posés sur la table de nuit avant de m'endormir. Et il est parti comme il était venu. C'est pas possible. Si, oui, j'avais complètement oublié cet épisode fort désagréable. Mais oui, bien sûr, il doit y avoir un lien. Et même, je me souviens que pendant tout son méfait, non content de me souiller, il m'a humilié, me traitant de tous les noms, affirmant que j'aimais ça. Oh là là, mais il y en a qui ont le vice chevillé au corps. Oui. Même une chèvre, hein, je suis sûr qu'il ne l'aurait pas insulté comme ça. C'est incroyable. Bon, écoutez, pansement gras, hein, Jean-Noël, pas de blague. Et puis alors, du repos, cortisone. Et puis pas de sollicitation d'aucune sorte, hein, même pas une prise de température, rien. Et puis, partez vous reposer. Vous pouvez vous reposer en ce moment ? Mon cabinet a une succursale en Asie. Où ça ? En Thaïlande. Oh, on adore la Thaïlande, des petits marchés. Philippe, ça le rend fou, j'y passe des heures, j'achète des tissus, des sacs, des blue jeans, ça vaut rien là-bas. Hein. Non, en plus, moi j'ai horreur de marchander. Mais ils aiment ça, c'est culturel. Et puis t'es bien content avec tes chemises en soie, ils les quittent plus. Surtout depuis qu'elles sentent plus la friture. Bon, et puis alors, la prochaine fois, Jean-Noël, verrouillez bien votre porte avant de vous menotter. Hein ? Merci beaucoup, à vous deux. Et profitez bien, hein, vous penserez à nous là-bas. Prenez soin de vous, Jean-Noël. Car comme vous le savez, qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est Racine qui nous le dit, dans les plaideurs. Alors vous voyez, pour un avocat. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à Jean-Noël, hein, pour cette grande bouffée d'air pur et d'exotisme mise en onde aujourd'hui, comme toujours, par Yann Souquet. Merci. À votre écoute, coûte que coûte. Pour participer à l'émission, laissez-nous un message au 01 56 40 23 95.